Le lundi 6 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les citoyens de Cap-Rouge accueillent favorablement l'ultimatum lancé par le ministre Heurtel à l'entreprise Anacolor. Celui-ci a menacé vendredi de faire cesser les activités de l'usine d'ici 15 jours. La porte-parole du regroupement citoyen pour la qualité de l'air de Cap-Rouge, Stéphanie Hood, s'est dite satisfaite par ce geste du ministère. Elle affirme également que les problématiques de qualité de l'air sont toujours bien présentes à Cap-Rouge. Bien, on n'est pas surpris, puis c'est ce qu'on demandait depuis déjà plusieurs mois, là, quand les citoyens réclamaient une injonction, quand on disait aussi publiquement qu'on croyait que l'usine devait cesser d'opérer d'ici à ce que les délais juridiques puissent nous aider à faire la lumière sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça, parce que c'est inacceptable là, que les gens se fassent intoxiquer à cause de délais juridiques. Le lien qu'on fait, il est plutôt par rapport aux derniers échantillonnages d'air qui ont été pris. On sait que le laboratoire mobile du ministère a sillonné les rues de Cap-Rouge tout au long de la semaine dernière, du lundi au vendredi. C'est du jamais vu là, au ministère de l'Environnement là, que ce laboratoire-là soit mobilisé pour une campagne de 5 jours dans le même secteur. Et la décision qui est tombée en fin d'après-midi, vendredi dernier, on croit que ça laisse croire que les données sont probantes là, et qu'effectivement, il y a lieu de s'inquiéter. Là. C'est ce que ça nous laisse croire. C'est sûr que le rapport final n'est pas encore rédigé. Probablement qu'ils vont faire une analyse plus poussée des données. Mais à chaque jour, pour avoir été quand même dans le secteur là, pendant la campagne d'échantillonnage, je peux vous confirmer qu'à chaque jour, il y avait des épisodes d'odeur intense et que probablement que les techniciens ont été témoins de ce dont on parlait, nous les citoyens. Le ministre de la Famille, Sébastien Proulx, a annoncé en avant-midi une aide de 20 millions de dollars pour les organismes communautaires dédiés au mieux-être des familles. Les haltes-garderies communautaires pourront également profiter de cette enveloppe. La mesure fait suite aux consultations publiques sur la réussite éducative tenues l'automne dernier. Le ministre Proulx a plaidé pour des interventions auprès des jeunes en bas âge pour favoriser la réussite scolaire. Scène sportive, Alex Harvey savoure la victoire. Le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges a remporté dimanche le 50 km style libre des mondiaux de Lahti en Finlande. C'est pour le Québécois une première médaille d'or dans une épreuve individuelle au championnat du monde. Alex Harvey a coiffé les meilleurs fondeurs au monde, terminant l'épreuve en 1h46, seulement 6 dixièmes de seconde devant le Russe Sergei Ustyugov. Enfin, scène internationale, le président américain Donald Trump a présenté dans les dernières minutes une nouvelle version de son controversé décret anti-immigration. Celui-ci vise à corriger les problèmes juridiques et constitutionnels du premier décret qui avait été bloqué par les tribunaux. La nouvelle mouture prévoit toujours l'interdiction d'entrer sur le territoire américain pendant 90 jours, mais elle ne cible plus que 6 pays au lieu de 7, et les ressortissants détenant une carte verte ou un visa valide avant le 27 janvier dernier pourront également passer sans problème les frontières. Le président Trump souhaite aussi limiter à 50 000 le nombre de réfugiés qui seront admis en 2017. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo, ça va se réchauffer dans les prochains jours. Aujourd'hui, on attend un moins 6 degrés, quelques nuages au cours de l'après-midi. Demain, mardi, faible neige, 0 degrés. Mercredi, ce sera nuageux avec 5 degrés. Présentement, à Québec, c'est partiellement nuageux. Et le mercure indique moins 8 degrés, moins 10 avec le refroidissement éolien.